grand compositeur, Marc Dumont. Cette semaine, Palestrina, prince de la musique. Bonjour et bienvenue dans Grand Compositeur. On dit généralement que Rome vaut bien une messe. Pour Palestrina, ça valait bien quelques messes. Nous évoquerons cela demain dans notre émission et nous parlerons de la rayonnante papauté version Palestrina mercredi. Nous évoquerons aussi 1582, une année très étrange, l'année la plus courte du monde en quelque sorte. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous donne rendez-vous jeudi. Nous évoquerons cela jeudi. Et vendredi, ça sera l'avenir d'un père de la musique et du père de l'harmonie, parce que figurez-vous que Victor Hugo appelait Palestrina le père de l'harmonie. ton est donné parce que Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina, c'est ça finalement. C'est une polyphonie totalement en apesanteur. Vous écoutiez Sicuti Lum par l'Italie Scholars, dirigé par Peter Phillips. Sicuti Lum signé le prince de la musique. C'est ce qu'indiquait la plaque fixée sur son cercueil, prince de la musique. Palestrina, il a quand même composé plus d'une centaine de messes, près de 400 motets, des dizaines de magnificats. C'est l'art de la polyphonie finalement. Mais commençons peut-être par le début. On dit qu'il aurait été l'élève de Jacques Arcadelt. Thank you. Nous sommes hors du temps. On ne sait pas très bien où on est. Sur France Musique, vous êtes et vous écoutiez la voix d'Ariana Saval il y a quelques instants, les membres de l'ensemble Il Desiderio, et puis à la flûte et à la direction, Thomas Kugler. Il s'agit ici d'œuvres pour commencer signées Jacques Arkadelt. On dit que Palestrina aurait été l'élève d'Arkadelt. Vous écoutiez le madrigal O Felici Occhi Miei, Mes beaux yeux sont heureux, finalement, un madrigal signé de quelqu'un qui est né une vingtaine d'années avant Palestrina. C'est-à-dire au tout début du XVIe siècle. Nous sommes, vous voyez, dans les années 1540-1550 pour les compositions que l'on entendait. Une composition qui, ici, se terminait par une œuvre arrangée par Palestrina, une œuvre de Bovicelli et de Giovanni Pierluigi da Palestrina. En fait, l'original, c'était ceci. étonnante voix, une étonnante appoggiature aussi, et étonnante voix de la soprano Marie-Vie Blasco. C'est un disque qui s'appelle Les Larmes d'Eros. Et vous écoutiez ici Bovicelli arrangeant un madrigal de Palestrina. Le madrigal s'appelle Io son ferito, je suis blessé, la blessure d'amour, interprété par les musiciens de l'Accademia del Piacere. Ça ne s'invente pas, une académie du plaisir, on a envie d'y aller tout de suite, surtout avec le son magique, je trouve, de la viole de Fami Alkaï que vous écoutiez à l'instant sur France Musique. Thank you. Nous étions sur France Musique cet après-midi avec Palestrina. Nous le sommes encore avec Palestrina. Et nous étions ici avec l'ensemble La Fenice, dirigé du cornet à bouquin par Jean Tubéry. Et puis il y avait à l'instant, à l'orgue, Jean-Marc Ems notamment. Alors de quoi s'agissait-il? De madrigaux signés Giovanni Pierluigi da Palestrina. Entre-temps, il y avait une œuvre, une canzone de Bartolomeo de Selma e Salaverde, publié à Venise beaucoup plus tard, en 1638, alors que Palestrina était mort depuis une quarantaine d'années, disons, un peu plus même. Et il y avait à l'instant ce Richard Carr de Christian Erbach. Nous sommes dans une musique très italienne, évidemment, et je dirais dans une musique ici qui nous entraînait du côté des madrigaux pour l'essentiel depuis le début de notre émission. Mais c'est pas forcément de ce côté-là que Palestrina est le plus célèbre. Oh. Nous sommes restés dans la même époque, nous sommes au cœur du XVIe siècle et nous sommes toujours sur France Musique, mais nous sommes restés avec Giovanni Pierluigi da Palestrina, notre grand compositeur, tout en changeant complètement de style. Nous étions du côté des madrigaux tout à l'heure, pas seulement de Palestrina, mais notamment de Palestrina avec l'ornementation à la fois dans le cornet de Jean Tuberi où auparavant c'était la voix de la soprano Marivet Blasco. Ici, nous sommes dans un monde qui fait finalement comme si le temps était totalement suspendu, presque étal. Hein. C'est le cœur de la cathédrale de Regensburg que vous écoutiez, dirigée il y a une cinquantaine d'années par Hans Schrem. Oui, voilà comment on enregistrait et on chantait Palestrina avec des voix qui ne sont plus forcément celles que l'on utilise maintenant, je dirais, dans le monde baroque, avec tous les guillemets qu'il faut à ce monde baroque et à cette interprétation. Ici, c'était l'incipit de la prière du prophète Jérémie. Nous sommes dans les leçons de ténèbres de Palestrina et nous sommes vraiment au cœur de sa musique, une musique qui a vraiment rayonné hein, dans toute l'Europe à partir de Rome. C'est là pour l'essentiel que s'est trouvé Palestrina. Nous en reparlerons d'ailleurs dans nos émissions prochaines. Thank you. C'est Paul Odato Lutte que vous écoutiez. Melchior Neuss Seidler, un très grand luthiste du XVIe siècle. Et Neuss Seidler, vous l'écoutiez ici dans tout d'abord une sorte de chanson. Ich ging einmal spazieren. Un jour, je m'en allais comme cela pour aller me promener. Et puis à l'instant, O Felici Occhi Miei. Ça vous rappelle peut-être quelque chose au début de notre émission de Grand Compositeur. Tout à l'heure, sur France Musique, nous écoutions un madrigal de Jacques Arcadelt, qui aurait été le professeur de Palestrina et qui s'appelait justement O Felici Occhi Miei. Il se trouve que le luthiste que nous venons d'entendre, enfin pas l'interprète, hein, pas Paul Odette, mais vraiment le compositeur, Melchior Neuss Seidler, est passé par Rome. Il a croisé, il a rencontré Palestrina. On dit même que Palestrina lui a appris un certain nombre de choses. Palestrina, qui a eu quand même quelques élèves. Peut-être que lui était l'élève d'Arcadelt, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que Palestrina, parmi ses élèves, a eu un certain Thomas Louis de Victoria. Thank you. Un chœur à huit voix, un Ave Maria de Thomas Louis de Victoria, cet après-midi pour France Musique pour vous, c'était les Thalys Scholars dirigés par Peter Phillips. Alors, je le disais, hein, Victoria a eu comme professeur notamment Giovanni Pierluigi da Palestrina, notre grand compositeur, le père de l'harmonie, comme le disait Victor Hugo. Quand même, on pourrait peut-être revenir un instant sur la carrière, enfin, je dirais plus exactement sur l'après Palestrina, parce que lorsque Monteverdi a offert au pape au début du XVIIe siècle, hein, c'était en 1610, ces fameuses vêpres de la Vierge, il a quand même fait précéder ces vêpres d'une messe, comme il l'écrivait, dans le style ancien de Palestrina. Alors c'est quand même assez drôle, le style ancien, ça fait même pas 20 ans que Palestrina est mort, mais c'est quand même bien dire que justement, après la mort du prince de la musique, une page musicale se tourne, finalement. Hein. Mais la marque de Palestrina est restée sur ce qu'on pourrait appeler cette principauté imaginaire, si vous voulez, la principauté, justement, de l'harmonie, puisque Victor Hugo parlait du prince et du père de l'harmonie. Et d'ailleurs, il avait une relation très étroite avec la papauté, Palestrina. Nous en reparlerons demain et après-demain. Il a quand même servi sous 11 papes durant une carrière extrêmement longue, hein, qui l'a amené surtout à composer d'ailleurs des œuvres religieuses, bien qu'il ne fût, je dirais, à la tête de la chapelle Sixtine, pourtant jamais à la tête de la chapelle Sixtine. Mais quand même, la polyphonie romaine, c'est lui, son ombre portée sur la polyphonie, c'est lui, Palestrina, c'est vraiment un monument, mais c'est aussi véritablement, pour les musiciens, un bonheur de chanter Palestrina. Tenez, écoutez, l'ensemble Huelgas, dirigé par Paul von Nevel, quand même un orfèvre en la matière, et voici la Missa ut re mi fa sol, la messe do re mi fa sol, si vous voulez, de Palestrina. Thank you. Il y a un équilibre aérien, une pureté absolument incroyable dans cette messe Utre mi fa sol, une messe signée Giovanni Pierluigi da Palestrina, une des 104 messes que nous a laissé Palestrina. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous se souviennent, il y a quelques semaines de cela, j'avais consacré une semaine entière de grands compositeurs sur nos ondes de France Musique à Roland de Lassus. C'était en fait à la fin de l'année dernière. Et Roland de Lassus, un contemporain de Palestrina, est vraiment complètement différent, à la fois dans l'écriture de la polyphonie, puis dans le choix, je dirais, de ce qu'il a eu envie de composer, parce que Lassus composait beaucoup de madrigaux. Et des messes, Palestrina. Aujourd'hui, on a commencé notre émission ensemble avec quelques madrigaux, effectivement. Mais ils sont rares, finalement. C'est l'œuvre religieuse qui compte pour Palestrina. C'est lui qui a marqué le siècle, mais pas seulement le XVIe siècle. Bien après, c'est lui qui est un peu le synonyme, si vous voulez, du style ancien. Hein. C'est comme ça qu'on disait les choses, du stile antico, pour même dire style antique, si vous voulez. Et je pense à quelqu'un qui s'appelle Fuchs, Johann Joseph Fuchs. C'est un compositeur du début du XVIIIe siècle. Et Fuchs a écrit un livre qui s'appelle Gradus ad Parnassum et qui met en scène finalement deux personnages. Aloysius, or Aloysius c'est un des prénoms de Palestrina, et puis Joseph Fuchs lui-même, et ils dialoguent entre eux. Et d'ailleurs, pour Fuchs, Palestrina, c'est, je cite, « cette brillante lumière de la musique à laquelle lui, Fuchs, doit tout ce qu'il connaît de cette science ». Thank you. Thank you. Thank you. comme un aller-retour entre le style antique, je dirais la polyphonie, et puis la musique qui nous viendrait de la Renaissance, et pourquoi pas de Palestrina, et puis le XVIIIe siècle. Alors vous écoutiez à l'instant la voix de Carlos Mena, pour commencer c'était celle de la soprano Mieke van der Swis, avec le Dom Cantorae de Graz, les chanteurs donc de la cathédrale de Graz, et l'ensemble Armonico Tributo Austria, qui nous vient d'Autriche, comme son nom l'indique, et c'est Lorenz Duftschmidt qui interprétait ici des œuvres, Ave Regina, Ave Maria, une sonate au Saint-Sépulcre, signée Johann Josef Fuchs. Alors, je vous propose de terminer notre émission d'aujourd'hui, non pas avec Palestrina, que nous retrouverons demain et toute la semaine d'ailleurs sur France Musique, mais avec quelque chose qui touche totalement au sublime. vous avais prévenu. Attention, sublime William Byrd, motet tribulationes civitatum, l'ensemble, c'est l'ensemble Stile Antico que vous entendiez. Il n'y a pas que la lumière des œuvres de Palestrina, œuvres romaines, œuvres italiennes. Il y avait aussi donc les œuvres de Byrd là-haut, du côté de l'Angleterre, pratiquement au même moment. L'équipe qui m'accompagnait aujourd'hui pour cette émission de grands compositeurs, Mathieu Tourin, Elisabeth Gornet, Nicolas Lafitte, Anne Voisin et Céline Parfenoff.